Chapitre 9. La fin d'une croisade. Morte, dit le sergent Jenkins en laissant tomber la main glacée de Miss Esther Bell. Jim se détourna avec terreur du visage rigide de la vieille femme assassinée, encadrée par les plumes d'autruche sombres, et, d'une main tremblante, écarta les mèches blondes ensanglantées qui cachaient le visage de May. Agenouillé auprès du corps frêle, il colla son oreille contre le cœur, scruta désespérément les traits et finit par tirer de sa poche un petit miroir qu'il appliqua sur la bouche entrouverte. « Elle vit !» annonça-t-il à la vue de la buée à peine perceptible qui ternissait la glace. Et il se détourna pour que Smith et Jenkins n'aperçussent pas les larmes qui coulaient le long de ses joues. Un quart d'heure plus tard, une ambulance transportait May à l'hôpital voisin. Le médecin, après avoir examiné la blessée, lavé et pansé la blessure, déclara au chef constable « Votre femme a reçu un coup de couteau dans l'épaule. Un peu plus bas, il eût été mortel. Par bonheur, l'arme n'est pas entrée profondément. Madame Smith a perdu beaucoup de sang, il est vrai. » Et son évanouissement est extraordinairement profond. On serait tenté de la croire droguée. Mais peut-être n'est-ce là que l'effet du choc subi, à la fois physique et moral. D'ailleurs, nous verrons bien dans quel état elle reviendra à elle. Puisque sa constitution est aussi délicate que vous le dites, et ses nerfs aussi fragiles, l'essentiel est de ne pas l'émouvoir ni la fatiguer. Tâchez au moins les premières heures de lui épargner les interrogatoires. Il lui faut le calme et le repos complet. Quant à la blessure, ne craignez rien. Je vous promets une prompte guérison. » Joy et Smith retournèrent sur les lieux du crime où les attendait Jenkins. On se garda, bien entendu, de toucher à quoi que ce soit. Et l'inspecteur de police du district retrouva le corps de la malheureuse autoresse à la même place sur le tapis auprès de la fenêtre. Le coup avait porté en plein cœur. Elle devait être morte depuis plus de 2 heures. On laissa le cadavre sur le parquet jusqu'à l'arrivée du médecin légiste. Il n'y avait pas trace de Miss Sarah Smith dans l'appartement, pas plus que de la bonne et des malfaiteurs inconnus. Mais, en perquisitionnant, on découvrit dans les tiroirs de la chambre à coucher et du cabinet de toilette une perruque grise, un nécessaire complet de maquillage et plusieurs paires de lunettes noires. Sur le lavabo, une boîte renfermait un rasoir. Dans les placards, les commodes et l'armoire à glace, à côté du linge et des vêtements de femme, on trouva plusieurs complets et tous les accessoires de la toilette masculine. Les costumes étaient extrêmement variés. Une personne entrée dans cet appartement pouvait en ressortir transformée en matrone respectable ou en jeune femme élégante, en dandy ou en ouvrier. On trouva même un uniforme de facteur, une blouse et une coiffe d'infirmière et une livrée de chasseur. « Nous sommes tombés là sur un joli guêpier, » murmura l'inspecteur. « Quel sort ont-ils réservé à ma pauvre tante Sarah ?» soupira Jonathan Smith. Et quel sort me réserve-t-il à moi-même? Déjà, ma femme, ma tante et la vieille amie de ma famille ont été frappées par les impitoyables meurtriers. Il n'y a pas de doute, c'est moi qu'ils cherchent. » Et il essuya son front, couvert d'une sueur froide. « C'est moi qu'ils cherchent, » répéta-t-il. « Ils se doutent que je suis sur les traces des ravisseurs de notre châtelain. C'est bien. Je les attends, le triomphe ou la mort. » L'inspecteur, entre-temps, avait fait monter la femme de ménage qui entretenait l'escalier et la soumettait à un interrogatoire. « Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal dans cet appartement ? » demanda-t-il. « Non, sans, » balbutia la balayeuse effrayée. « Miss Smith était malade et ne sortait plus. » Même quand j'aidais la bonne à faire le ménage, je ne voyais jamais Miss Smith. Qui est cette bonne? Elle s'appelle Jane, sœur, Jane Morris. Je ne la connais que depuis que Miss Smith a emménagé dans la maison. De temps en temps, on faisait un bout de causette, Mais Jane était très occupée. Elle allait souvent faire des courses. Elle était contente de sa place. Le plus dur était de porter Miss Smith dans ses bras pour la lever et la coucher, rapport à sa maladie. Mais Jane était une forte fille. Et puis, Miss Smith payait bien. Moi aussi. La balayeuse s'interrompit. À vous aussi, elle donnait de bons pourboires. Pour ça, oui, sœur. À Noël, cette année, je ne pouvais pas me plaindre. C'était une dame distinguée. Et son regard, avec effarement, parcourut la pièce en désordre. Qui venait chez Miss Smith? Eh bien, il y avait la jeune Madame Smith, puis l'infirmière. Elle venait pas tous les jours, mais seulement de temps en temps. Posez des ventouses, m'a dit Jane. Et qui encore? Eh bien, il y avait le docteur, sœur. Comment était-il? Assez grand, avec une belle barbe noire et des yeux noirs. Vous n'aurez dit qu'il voyait à travers vous. Comment s'appelait-il? Je ne sais pas, sœur. Jane disait toujours « le docteur ». Ce n'était pas un médecin du quartier. Et puis? Il y avait de temps en temps d'autres personnes, sœur, mais je ne sais pas qui. Pas beaucoup, d'ailleurs. Miss Smith ne recevait presque personne. Et qui voyez-vous sortir de son appartement? Dame, ce qui était entré, sœur. Vous êtes sûre de ne pas avoir vu sortir d'ici des gens qui n'y entraient pas? La femme de ménage écarquilla les yeux. Ma foi, non, sœur. Et puis, nous, on ne sait pas, on ne voit pas toujours. Les gens entrent et sortent comme ils veulent. Je fais les escaliers et je travaille dans plusieurs appartements. C'est tout. Miss Smith occupe tout le premier étage, n'est-ce pas? Et qui sont les locataires au-dessus? C'est un monsieur Jacobs, sœur, un célibataire. Il n'a personne avec lui. Je viens nettoyer dans la matinée. Il travaille pour un grand journal et sort souvent la nuit. Il lui arrive assez fréquemment de voyager pour son journal. Quelquefois, il reçoit du monde, des gens de toutes sortes, des femmes, des hommes. Que voulez-vous, un journaliste? Autrement, c'est un locataire très convenable. Est-il chez lui en ce moment? Il a peut-être entendu quelque chose? Je ne sais pas, sœur. Hier, il était absent. On sonna en vain à la porte de M. Jacobs. Elle resta fermée. Tout à l'heure, dit Jim, se rappelant soudain le regard scandalisé du vieillard, tandis que j'attendais sur le palier, deux personnes ont descendu l'escalier. Un monsieur âgé aux cheveux blancs et un jeune garçon. Mais s'ils avaient entendu des cris, ou quoi que ce soit dans l'appartement de Miss Smith, ils auraient alerté les autres locataires. « Je crois l'enquête terminée, » déclara l'inspecteur du district. « Nous avons tout examiné. » Puis je retournai dans le salon, demanda Jim. « J'ai vu là une immense bibliothèque, et pour certaines raisons, les lectures de Miss Smith m'intéressent beaucoup. » Les rayons supérieurs étaient occupés par des ouvrages traitant de la psychologie et du magnétisme. Jim en tira quelques-uns pour les regarder, et poussa une exclamation d'étonnement. Derrière cette première rangée de livres, la bibliothèque n'offrait plus qu'un petit réduit vide, au fond duquel gisait une échelle. À son exclamation, les autres accoururent. L'inspecteur, comprenant au premier coup d'œil, écarta le premier plan de la bibliothèque, qui s'ouvrait comme une porte, redressa l'échelle, l'appuya au mur, monta et frappa au plafond. Après quelques tâtonnements, un son creux retentit. « Une trappe !» s'écria Jim. L'inspecteur fit un signe affirmatif et poussa sans succès. Un agent monta à sa suite sur l'échelle et tous deux, unissant leurs efforts, enfoncèrent la trappe. Ils pénétrèrent un à un dans l'appartement de M. Jacobs, qui était bien celui d'un journaliste célibataire, plein de livres, de journaux, de papiers, meublés assez confortablement, mais sans ordre. On n'y aurait trouvé rien de répréhensible si l'inspecteur, ouvrant à l'aide d'un passe-partout une armoire fermée à clé, n'avait découvert deux paquets de vêtements. Quand on déballa le premier, il en sortit une robe de satin noir ornée de dentelles et un immense châle indien dans les franges duquel s'était accroché un mouchoir marqué S.S. La dépouille de ma tante Sarah, s'écria Jonathan Smith. Ou plutôt, celle du bandit qui jouait son rôle, rectifia Jim. James, que dites-vous? Je dis que j'ai vu descendre un homme âgé accompagné d'un gamin. Tous deux s'étaient évidemment travestis ici. Les vêtements que nous venons de retrouver sont ceux qu'ils portaient avant leur sortie sur le palier. L'homme âgé était affublé de cette robe noire. Il jouait donc le rôle de Miss Smith. Et le gamin... Eh bien, le gamin... Avant même d'ouvrir le deuxième paquet, Jim savait la réponse. Il ne fut pas le moindre du monde étonné en revoyant le petit feutre gris-argent, le sac et les souliers de dinguerie et tout l'ensemble discret et élégant qu'avait porté la contessina. En pensant à May, blessé à l'hôpital, il avait envie de piétiner ses hardes. « Je la retrouverai, » dit-il entre ses dents, « et la prochaine fois, elle ne m'échappera pas. »« Il faut, » dit l'inspecteur, en refaisant soigneusement les deux paquets, « laisser tout ici dans le même état. Je ferai venir un ouvrier pour remettre la trappe. L'individu qui se fait appeler Jacobs ne doit pas savoir que nous avons découvert le secret des deux appartements. » De cette façon, l'oiseau reviendra dans le nid et sera pris par nos hommes postés ici, sans que personne le sache. C'est probablement lui-même qui jouait le rôle de Miss Smith et qui sortait et rentrait par la porte de l'appartement du deuxième, pendant qu'on croyait la vieille demoiselle alitée et malade. « Mais depuis combien de temps, se lamenta Jonathan Smith, dure cette comédie infernale ? Quand je pense que ma femme est peut-être déjà venue ici au moment où tante Sarah n'était plus ?» Le témoignage de Madame Smith contribuera peut-être, du moins en partie, à éclaircir ce mystère, dit l'inspecteur. Espérons qu'elle reviendra bientôt à elle. Le médecin, je crois, vous a donné bon espoir. Et l'inspecteur serra la main de Jonathan Smith. Vous avez toute ma sympathie. Nous autres policiers sommes particulièrement exposés au coup des bandits. Notre devoir, dit le chef constable, nous place au-dessus du commun des hommes. Par là même, il comporte des dangers surhumains. Ce qui est surtout malheureux, répliqua l'inspecteur, c'est que nos proches en soient victimes. Cette infortunée Miss Bell... Miss Bell, déclara Jonathan Smith, est morte en pleine croisade. Mais la croisade n'est pas morte. J'espère que vous m'autoriserez, dit l'inspecteur, à présenter mes hommages respectueux à Madame Smith dès qu'elle sera rétablie, et à lui poser quelques questions. N'oubliez pas, intervint Jim, qu'il faut avant tout l'aménager. Son état réclame une extrême prudence. Les premiers jours, elle ne sera sans doute pas assez forte. Le chef constable raidit le torse et leva la main. « Mon épouse, déclara-t-il, sera toujours assez forte pour satisfaire aux exigences de la loi. »